liki ba problem sala ki kudu kana tena ngai ezala ki kaka jina nini zinangali loe kuma ya kulela uyu ya kalai kuma ya sika na lingete uyu na lingete na lingete hotel pilu na lingete. Dans la vie, il y a ceux qui font, ceux que regarde faire, et puis à toi, mon pao masterpiece. Nous jamais la nouveau, ma bête en l'air, ma spin en l'air, ma spin en l'air, ma spin en l'air. Non, non, non, non. Bon amour, il y en a, la la bon anga, la bon anga. Nada, si la mini, vinanga. Papa Paul, bo pikiri ki bo bo kundu bo iwezo bo jali te bo ko chara chara. Mon vieux coco si le bruit madira, qui t'aime loba. I'm not sure.